Exode chapitre 24. Puis il dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin, et Moïse s'approchera seul de l'Éternel, mais eux ne s'en approcheront point, et le peuple ne montera point avec lui. Alors Moïse vint, et récita au peuple toutes les paroles de l'Éternel, et toutes ses lois, et tout le peuple répondit tout d'une voix, et dit, nous ferons toutes les choses que l'Éternel a dites. Or Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne, et dressa pour monument 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, et il envoya des jeunes hommes des enfants d'Israël qui offrirent des holocaustes, et qui sacrifièrent des veaux à l'Éternel, en sacrifice de prospérité. Et Moïse prit la moitié du sang, et le mit dans des bassins, et répandit l'autre moitié sur l'autel. Ensuite il prit le livre de l'Alliance, et le lut, le peuple l'écoutant, qui dit, nous ferons, n'est-ce tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse donc prit le sang, et le répandit sur le peuple, en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a traité avec vous, selon toutes ses paroles. Puis Moïse, Aaron, Nadab, Abihu, et les 70 anciens d'Israël montèrent, et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage de carreaux de saphir, qui ressemblait au ciel lorsqu'il est serein. Et il ne mit point sa main sur ceux qui avaient été choisis d'entre les enfants d'Israël, ainsi ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Et l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre, et la loi et les commandements que j'ai écrits, pour les enseigner. Alors Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu, et il dit aux anciens d'Israël, demeurez ici en nous attendant, jusqu'à ce que nous retournions vers vous, et voici, Aaron et Hur seront avec vous, quiconque aura quelque affaire, qu'il s'adresse à eux. Moïse donc monta sur la montagne, et une nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours, et au 7e jour il appela Moïse au milieu de la nuée. Et ce qu'on voyait de la gloire de l'Éternel au sommet de la montagne, était comme un feu consumant, les enfants d'Israël le voyant. Et Moïse entra dans la nuée, et monta sur la montagne, et Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits.